vie. Parce que depuis on descend, flamme chandelle la qu'affaiblit. Si nous pas prend précaution et si nous pas réagir, la bête qui est installée, pêche à nous en fait noir. Prends garde pour l'indifférence, pas fait nous dormir de poudre. Ça vient bon de temps en temps, méditer en laissant. C'est pas tout de nous, mais l'amour tout besoin en ballant. En nous filer qu'on avant, les notes tout fait connaître. Tout petit, pas ni raison résister.